Section 12 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Little Miss Clumsy. La lecture, tome 3e, section 12, Papillon noir, par Olivier Chantal. Indulgence, indifférence le plus souvent. Rien ne se termine aussi bien qu'on l'avait espéré, ni aussi mal qu'on l'aurait craint. Une pensée suffit pour faire aimer un livre, et c'est naturel, car un sonnet peut conduire à l'immortalité. La quantité n'est pas plus la force qu'un buisson n'est un chêne. Pour être fort, il faut être un. L'éparpillement vient d'une faiblesse et de l'incapacité de se résumer. Il y a deux sortes de choses difficiles. Les hautes, faites pour les héros et les hommes de génie. Les contournées, pour lesquelles des habiles suffisent. En art, ces derniers se font toujours illusion. Pour les âmes élevées, le bonheur est fait de science, de philosophie et d'acceptation. Toutes les gloires, tous les bonheurs, toutes les fortunes ont leurs parasites, comme les rosiers leurs pucerons. On peut dire de la vérité ce que les Italiens disent du soleil. Il est indispensable au monde, et pourtant il a fait autant de mal que de bien. Fin de la section 12.